Canicule, restons vigilants. La minute prévention. Pendant un épisode caniculaire, quelles bonnes pratiques faut-il adopter pour se rafraîchir? Les conseils du docteur Raphaël Loza, médecin généraliste à Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Alors, il faut boire régulièrement de l'eau, mais sans trop. C'est-à-dire qu'il ne faut pas boire plus de 1 litre et demi d'eau par jour, même s'il fait très chaud. Il faut mouiller son corps et se rafraîchir plusieurs fois par jour. Et donc, pour cela, prendre des douches ou bien utiliser un brumisateur. Il faut manger. Il faut également, lorsqu'on est dans une maison, il faut fermer les volets et bien entendu, passer le plus de temps possible dans un endroit frais. Et surtout, pas d'alcool. Il faut porter des vêtements amples, légers, plutôt clairs. Et puis évidemment, il faut éviter d'utiliser tous les appareils électriques qui dégagent la chaleur. Il faut utiliser les lieux publics qui sont bien ventilés avec des brumisateurs, avec de l'eau, puisqu'il y a beaucoup d'endroits maintenant où on peut avoir des lieux publics rafraîchis, dans les parcs, les jardins ombragés. Et les activités sportives, il faut les éviter pendant les heures les plus chaudes de la journée. Pendant un épisode de canicule, protégez-vous en adoptant les bons réflexes. Buvez de l'eau régulièrement, restez au frais. Plus d'infos sur le site du ministère chargé de la Santé. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.